jamais ne briller que pour moi sur la mer. Je me sens le cœur plein de peine, quelquefois lorsque je me dis, au milieu des rues de Paris, reverrons-nous les rues d'Athènes, reverrons-nous les rues d'Athènes, car l'amour dans sa cœur de 20 ans va toujours son chemin très longtemps. Je me sens le cœur à la traîne quand je pense à toi. Je me dis, moi qui suis seul, tout seul dans Paris, reverrons-nous. Sur la mer.